On va parler de baseball. Il a fait tout un travail cette semaine. C'est Frédéric Daigh, une série de textes qui a rejoint un peu tout le monde sur l'élection de Vladimir Guerrero, tente de la nommer. On lui passe. Hey Fred. Oui, bonjour Daniel. Hey Fred, félicitations, surtout pour avoir rejoint Fred Ferreira. Il fallait le penser, il fallait avoir ce flash-là. Fred Ferreira, j'en ai parlé avec Marc Griffin hier, c'est tout un dépisteur, l'un des meilleurs, un des bons dépisteurs, c'est lui qui a trouvé Vladimir Guerrero. D'abord, j'ai vu sur les médias sociaux que t'as travaillé fort pour l'avoir, hein? Ouais, ben ça fait à peu près un mois, je te dirais, que je cours après Fred Ferreira. La dernière organisation pour laquelle il a travaillé, c'est les Orioles, mais encore là, c'est nébuleux. Est-ce qu'il est encore à l'emploi des Orioles? Est-ce qu'il ne l'est plus? C'est difficile de savoir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que chez les Orioles, on m'a dit carrément Fred Ferreira ne sera pas disponible pour ces entrevues. Oh, OK. Fait que j'ai dit, OK, on va passer par un autre chemin, parce qu'à un moment donné, moi, je trouvais que c'était l'intervenant le plus intéressant dans cette histoire-là. Mm-hmm. Et puis, finalement, bon, in extremis, mercredi matin, j'ai fait une ultime tentative auprès d'un de mes contacts auquel j'avais pas pensé jusqu'à mercredi matin, mais là, à un moment donné, le hamster tourne, là, tu cherches toutes les idées possibles, puis là, tu te regardes, ça coûte rien d'envoyer un texto à cette personne-là, puis une demi-heure après, j'étais en contact avec Fred Ferreira, c'était un peu surréaliste comme entrevue, je sais pas ce qu'il faisait, M. Ferreira, mais j'entendais des chevaux hennir, puis courir en arrière-plan. Je sais pas s'il est propriétaire d'un ranch ou quoi que ce soit, mais en tout cas, okay. Il était super, super, super gentil. Il m'a raconté à peu près tout ce qu'il pouvait me raconter comme anecdote avec Vladimir Guerrero, puis ça a donné un bon papier. Quel âge qu'il est rendu, Ferreira? Il doit être rendu autour de 75, 76? Écoute, j'ai pas trouvé sa date de naissance ni le bar, puis M. Ferreira a pas voulu me dire son âge. Ah, oh, OK. Ah non, OK, parce que... Je présume que c'est autour de 75 ans. Moi, je suis pas certain s'il a plus le même âge que Philippe Alou, même autour de 80. Ah, OK. OK, OK, OK. Si on parlait maintenant de son entretien, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui t'a plus marqué dans l'entretien qui était avec lui? Ben, écoute, c'est une histoire que j'avais déjà, en tout cas, entendue, mais que je me rappelais pas de la bonne façon. Puis là, ben, tu te dis, le gars était là, il va te la raconter comme il faut. Puis c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, c'est de... Vraiment, là, il était content de revivre ces moments-là, puis il me racontait à quel point, là, quand il est arrivé là cette journée, là, pour faire du stage, Guerrero était pas sur sa liste. Il est arrivé, là, à la dernière minute, sur une photo avec un gars qui se conduisait. C'est cette personne-là, ce monsieur-là, qui a demandé à Fred Ferreira s'il y avait de la place pour un gars de plus. Puis Ferreira, il a dit, ben oui, dis-moi, il dit, envoie 36 ou envoie 35. Ouais. Ça change dans ma journée. Et puis là, il me racontait les chaussures dépareillées. Mais ça, vois-tu, Vladimir, hier, en entrevue, il disait que c'était pas vrai. Il disait qu'il y avait que c'était deux chaussures pareilles, mais deux chaussures du pied gauche, parce que bon, ses frères chez lui, il avait des souliers, puis il s'était trompé. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était pas une paire complète, même si c'était deux pieds gauches, c'est assurément pas la bonne paire de souliers. Il avait 5 pieds. Et puis c'est ça. Fait que ça a été c'était vraiment là, de revivre les souvenirs. Puis Fred Ferreira a une exposition qui lui est consacrée, hein, aussi sa renommée, parce que le plus grand dépisteur de l'histoire du baseball majeur. Il y a 75 de ses joueurs qui sont retrouvés dans le baseball majeur. Hey, quand je te dis là, que c'était. Je disais ça à Marc Griffin hier. J'ai dit, c'est dommage que. Je comprends pas qu'il n'a pas eu sa chance comme directeur général. Puis Marc me disait que c'est lui qui n'a pas voulu finalement. Parce que lui, le flair, il l'avait, là. C'est impressionnant. Ouais. Vois-tu, je pense que lui aimait mieux être sur le terrain et découvrir ces gars-là que d'être dans un bureau et de se fier au regard des autres. Tu sais, chaque dépisteur a un peu sa façon de travailler, les éléments qu'ils observent sont différents l'un de l'autre parfois. Alors lui, il aimait mieux, je pense, et sa réputation était grandissante. Je pense qu'il aimait mieux donner sa liste de gars ou faire signer des contrats aux gars qui l'avaient vu plutôt que de se fier au coup de téléphone d'un dépisteur puis là se fier au jugement d'un autre. Je pense que c'était vraiment ça qu'il aimait, aller trouver dénicher là, des diamants bruts que personne d'autre avait vu. Non. Hey, dans le cas de Vladimir, tu penses quoi de la casquette? Écoute, j'en ai parlé ce matin, j'ai dit que la casquette devrait être... Moi, je pense que ça devrait être quelque chose de neutre, parce qu'un athlète professionnel de nos jours fait 3-4 équipes, c'est rare qu'il fait dans la même formation. Es-tu d'accord avec ça? Et qu'est-ce que Vlad avait à dire là-dessus pour l'histoire de la casquette? Vlad a changé d'opinion à ce niveau-là, comme il a changé de chemise. Ouais. Quand il parlait des journalistes de la côte est, il parlait plus des expos. Quand il parlait des journalistes de la côte ouest, il parlait plus des Angels. Une chose est sûre, par exemple, il y a une affaire qu'il faut se rappeler. Même s'il a joué plus longtemps, qu'il a frappé plus de coups sûrs, plus de circuits, produit plus de points avec les expos, il a joué contre à peu près 10 fois moins de monde devant, 10 fois moins de monde pendant cette saison-là au Stade Olympique où il n'y avait pas une moyenne de 12 000 personnes par match. Tandis qu'à même, il a joué devant des salles combles année après année. L'équipe avait une équipe gagnante qui a participé aux séries 5 années sur les 6 qui a joué à Anaheim. 7 de joueurs par excellence. Alors, ça fait un peu de sens. C'est aussi, Vlad, faut pas se le cacher, il y a de l'argent qui est rattaché à ça. Là. Lui, là, il va faire plus d'argent en étant le premier joueur des Angels. Ça doit jouer, certainement. Que le dernier des expos, là. Ben oui. C'est sûr. On va pouvoir être impliqué pour plein d'affaires. Là. Puis ça, là, on peut pas, même s'il a fait 125 millions dans la vie, là, le gars a 42 ans, là, il reste encore peut-être 50 ans à vivre. Là. Peu importe là, l'argent qu'il a fait, il a le droit d'en faire encore comme il veut. Là. Mm-hmm. Et puis, ça, c'était son choix. C'est certain que les Angels ont dû faire un lobbying auprès de Vladimir Guerrero et de son équipe. Et puis, pardon, hein, j'ai plus de voix, là, je m'excuse, mais il y a... moi, ça me surprend pas. Ça me déçoit, mais ça me surprend pas. Ouais. L'affaire, moi, là-dedans, par exemple, qui me dérange, c'est que le Temple de la Renommée n'est pas à la solde d'aucune des équipes. Le Temple de la Renommée est supposé être là pour préserver l'histoire du baseball, et l'histoire de tout le baseball, pas l'histoire des équipes existantes. Et quand je vois que sur le profil, la biographie de Vladimir Guerrero sur le site du Temple de la Renommée comme équipe principale, c'est écrit les Angels d'Anaheim. Là, je trouve que le musée du Temple de la Renommée ne fait pas son travail parce que c'est correct qu'il rentre avec la casquette des Angels sur sa plaque. Mais son équipe principale, et ça, il n'y a aucune raison de justifier que ce ne soit pas les expos. Mais non. Je sais que les expos, ils vont apparaître dans le texte, ils vont être sur la plaque, puis ils vont en être fait mention, puis ils vont avoir des items dans l'uniforme des expos qui vont apparaître au Temple de la Renommée quand il y a toujours une exposition sur les intronisés là, à chaque été. Mais sauf que moi je pense que c'est là-dessus où le musée manque à son devoir de préserver l'histoire du baseball au complet. Pas juste l'histoire des équipes actuelles. Parce que le musée se fait un point d'honneur de le dire aussi souvent qu'il le peut, qu'il est indépendant du baseball majeur, mais il aurait été une belle occasion de le prouver, à mon avis. Mais c'est... Au minimum, la mention de l'équipe principale. C'est pas la première fois que ça arrive. Et Fred, tu me... par contre, ça avait joué pour nous autres, ce coup-là. André Dawson voulait porter la casquette des Cubs. Et ça, c'était... Terry Carter voulait porter la casquette des Mets, pensez-vous? OK. Que ça aurait été beaucoup plus payant d'avoir une casquette d'une équipe de New York sur la tête que d'une équipe qui venait de disparaître. Voilà, Gary Carter voulait une casquette des Mets. C'est le Temple de la Renommée qui a dit non, toi t'es un expo. Même chose pour Andrew Dawson, qui avait gagné pourtant un titre de joueur par excellence avec les Cubs. Ouais. Mais le Temple de la Renommée avait dit aussi en 2010, je crois que Dawson a été intronisé. Il avait dit non, toi t'es un expo. Alors, à un moment donné, puis tu regardes d'un autre côté, Pedro Martinez, ben là, c'était incontournable, même s'il avait joué plus de saison avec les Expos, il a gagné 3 Cy Young avec les Red Sox. Une série mondiale ou deux, peut-être deux, tu sais, Fait que là, c'est évident que c'est un Red Sox. Mais, dans ça, puis ça, je suis convaincu, Vladimir l'a fait, mais, ça, écoute, moi, mon opinion personnelle, ça me paraissait moins sincère, le discours de Vladimir, que le discours de Pedro Martinez quand il a remercié les Expos. Je pense qu'il a fait ça pour ménager la chèvre et le chou. Mais moi, je pense que son idée était faite depuis longtemps. Puis il y en a plusieurs sur Twitter qui ont mis sur le nez un sondage que lui-même avait mis en ligne sur quel casquette je devrais passer aux Anges. Je pense que 80% du monde avait répondu Expo. Je pense que son choix était déjà fait malgré tout cet exercice de relation publique. Effectivement. Dans le cas de Pedro, écoute, là, c'est pas d'hier, là, sa sincérité envers Montréal. Tu te rappelles que lorsqu'il avait gagné la Série mondiale avec les Red Sox, c'est une demi-heure après, il parlait de Montréal. Fait que, Il avait dit que c'était bien dommage qu'il venait de perdre leur équipe. Ouais, effectivement. Donc, c'est pas nouveau dans ce cas-là, là. Dis-moi maintenant, du côté des Expos, ben, c'est probablement le dernier joueur. Marc Griffin m'a parlé hier que Larry Walker a plus de. Si tu regardes les statistiques, des meilleures statistiques que Edgar Martinez. Ah oui, ben Larry Walker, moi je comprends pas. Larry Walker a dit en entrevue cet après-midi, vendredi après-midi avec Mitch Melnick à TSN 690, que ça semble être plus dommageable d'avoir joué au Coors Field que d'avoir pris des stéroïdes dans une carrière parce qu'il y a moins de votes que Roger Clemens puis Barry Bonds, puis il n'y a pas tard. Larry Walker, là, c'est de loin le meilleur joueur canadien qui a évolué dans le baseball. Il est 10 fois meilleur que Joey Votto, là, n'en déplaise à nos amis de Toronto. Là, Larry Walker, là, c'est le meilleur joueur canadien de tous les ans jusqu'à présent. Et puis, c'est scandaleux qu'on ne tienne pas compte qu'on le boude parce qu'il a joué à Denver. Premièrement, c'est pas de sa faute si le stade est en altitude. Deuxièmement, il fallait qu'il frappe pareil, c'est tout ça, c'est circuit. Puis troisièmement, il jouait toujours bien juste 81 matchs à Colorado. À ce que je sache, il n'a pas frappé 0 en 3000 dans les autres stades des majeurs, ce gars-là. Ouais. C'est épouvantable que Larry Walker ne soit pas plus près d'être ennemi. Je te dis pas, moi je pense qu'il mérite d'être au temple de la renommée. Ceci dit, j'ai pas de droit de vote. Il y a 422 personnes qui ont voté cette année. Ça reste une élection. Mais puis Larry Walker, contrairement peut-être à Tim Raines, il n'a pas le goût d'embarquer dans une campagne de promotion tout ça. Lui, il se laisse les choses aller, puis on verra ce que ça va donner. Mais il reste juste 2 années à Larry Walker. Après ça, il va falloir qu'il s'en remette au comité des médias. Oui, comité d'avision. Mais moi, ce que je parlais à Marc, puis ça, je t'en ai parlé souvent, Lee Smith, c'est aberrant que Lee Smith ne soit pas... c'est aberrant que Lee Smith ne soit pas au temple de la renommée. Encore au mois de décembre, avec le comité de révision, on a élu Jack Morris et Alan Trammell, et il a même pas eu de vote. Il n'a même pas été considéré. C'est aberrant. Puis là, dans le cas d'Edgar Martinez, moi je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas été sélectionné. C'est une machine à coup sûr, Edgar Martinez. Puis possiblement que le fait qu'il n'a pas passé la moitié de sa carrière comme frappeur de choix, ben quelque part, ça y est nuit. Ouais, mais regarde, là, il était à 70,4% des voix. L'année prochaine, il va rentrer. Là. Il manquait 20 votes. Même chose que Guerrero l'année passée. Fait que l'année prochaine, Edgar Martinez va faire son entrée à Cooperstown. Puis la mentalité va changer pour les frappeurs désignés parce que dans 3 ans, David Ortiz va être admissible aussi. Fait que David Ortiz, là, il va rentrer la première année d'admissibilité. Là. L'année prochaine, t'as Mariano Rivera qui rentre sur le bulletin de vote. Roy Halladay, il risque d'avoir encore 3-4 élus l'année prochaine. Là. Ah, effectivement. Fred, un gros merci. On se reparle. Encore good job pour ton avoir rejoint Fred Ferreira. Il fallait avoir cette flash-là. Il fallait connaître que Fred Ferreira a fait tout un travail. Merci beaucoup pour ce repas. Ben, merci, Nani. Bonne fin de soirée. Fred Degg, de la presse canadienne.